professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment et dans quelles conditions Homo sapiens a-t-il remplacé les populations locales archaïques? Comment s'est-il adapté à des conditions climatiques difficiles? Quelle était sa couleur de peau? Quelles zones étaient habitables en Europe? Quelle industrie a-t-il laissé? Depuis la semaine passée, nous suivons les traces d'Homo sapiens à sa sortie d'Afrique en compagnie du paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014 et directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne. À partir d'aujourd'hui, il s'interroge sur ce qui se passe avec l'arrivée des populations modernes en Europe, puis demain en Australie et après-demain aux Amériques. Fidèle à son approche pluridisciplinaire, notre paléanthropologue nous inscrit au point de rencontre de la paléontologie humaine, de l'archéologie préhistorique, de la génétique et de la climatologie. Dans son ouvrage « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre », coécrit avec Bernard Sêtre, Jean-Jacques Hublin rappelle que les oscillations climatiques sont anciennes et ont joué un rôle dans l'apparition ou l'expansion de plusieurs espèces d'hominines. Quand la longueur des cycles glaciaires passa de 40 000 ans à 100 000 ans, la masse de glace augmenta, le froid hivernal devint plus intense dans les hautes et moyennes latitudes et des calottes polaires s'étendirent périodiquement dans le nord de l'Europe. Le dernier maximum glaciaire, nous dit-il, qui correspond au stade isotopique 2, culmina il y a environ 21 000 ans et fut l'un des plus froids. Voilà pour le cadre où Néandertal va être remplacé par Cro-Magnon, après peut-être un intervalle de relatif équilibre entre les deux espèces et une brève période d'acculturation. Dans le même ouvrage, Jean-Jacques Hublin note que c'est aujourd'hui plus à l'est que l'on identifie les restes humains modernes les plus anciens d'Europe, notamment en Moravie vers 31 000, en Roumanie vers 35 000, en âge carbone avant le présent, et il va d'ailleurs nous expliquer ce système de datation carbone. Enfin, Jean-Jacques Hublin rappelle qu'en Europe, une véritable rupture existe entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur avec l'arrivée des hommes modernes dans nos régions. L'utilisation des lames et des lamelles explose, les outils se standardisent et l'os devient une matière première essentielle pour des armes ou des outils sophistiqués. Surtout, les manifestations évidentes de la pensée symbolique se multiplient dans le registre archéologique, objets de parures, statuettes, gravures, peintures rupestres. Les hommes modernes sont identifiés par leurs industries et de l'Europe aujourd'hui aux Amériques ou à l'Australie demain, ces industries vont témoigner de l'expansion de cette forme moderne d'Homo sapiens. Comprendre l'évolution humaine, c'est comprendre l'interaction permanente du biologique et du culturel, aime rappeler notre paléanthropologue. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 15 novembre 2016 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui les peuplements modernes de l'Europe ». L'objet du cours d'aujourd'hui et des cours qui vont suivre, ça va être d'examiner ce qui se passe avec ces populations modernes dans trois zones géographiques qui sont l'Europe d'une part, l'Australie, et puis ensuite les Amériques, et avec les Amériques, la question des Amériques se pose la question des zones froides, des zones arctiques, puisque l'homme a dû monter assez haut en latitude pour pénétrer en Amérique du Nord. Je vous rappelle que ce remplacement des Néandertaliens par les hommes modernes en Europe. Il se déroule essentiellement dans une période, disons, entre 50 000 et 40 000, au milieu du stade isotopique 3, qui est un stade isotopique un peu plus clément que le stade 4 et le stade 2 qui va suivre, un peu plus clément, mais quand même nettement plus froid que le climat actuel. C'est une période, encore une fois, de grande instabilité. Et après la disparition des derniers Néandertaliens, ce qui va se passer du point de vue climatique, donc pendant l'installation des hommes modernes dans nos régions, eh bien, c'est essentiellement une avancée vers ce pic de froid qui représente le dernier maximum glaciaire. Ce dernier maximum glaciaire, c'est la culmination du stade isotopique 2. Et après le stade isotopique 2, donc ce maximum de froid, on va plonger, si je peux dire, vers l'Holocène avec un réchauffement très rapide du climat. Et avec pendant ce réchauffement, un retour bref, une espèce d'épisode un petit peu froid qu'on appelle le Dryas récent, et puis ensuite un climat qui ressemble beaucoup au climat d'aujourd'hui. Alors ce réchauffement climatique va mettre fin au Pléistocène, il va mettre fin aussi au temps paléolithique, en modifiant considérablement les paysages dans lesquels ces hommes modernes vont évoluer pendant ce qu'on appelle le paléolithique supérieur. Ce réchauffement climatique très rapide, d'ailleurs, nous donne une idée un petit peu de ce qui pourrait se passer aujourd'hui, en tout cas dans un avenir proche, si le réchauffement climatique s'accélérait, bien qu'on soit déjà dans une période relativement chaude. Ce maximum glaciaire donc du stade isotopique 2, donc il coupe en deux, si je peux dire, le paléolithique supérieur. Il y a un paléolithique supérieur final qui est après la culmination de ce phénomène glaciaire, et puis il y a un paléolithique supérieur plus ancien qui le précède. Et cette phase glaciaire, quand je dis qu'elle divise le paléolithique, vous allez voir que c'est vrai sur des tas de points de vue, du point de vue culturel, du point de vue biologique aussi, il va avoir, ce maximum glaciaire va avoir énormément d'importance. Donc voilà à quoi ressemble l'Europe, donc au maximum de l'extension des glaciers sur le nord-ouest du continent. La géographie est complètement modifiée, la Manche a disparu, il y a des zones de la Méditerranée qui sont émergées. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande partie de l'Europe du Nord et aussi de l'Europe centrale qui est couverte par des paysages qui sont véritablement des paysages polaires dans lesquels les hommes ne peuvent pas vivre. Et donc, au moment de ce maximum glaciaire, il va y avoir un retrait des populations. Alors, retrait des populations, il faut peut-être pas forcément imaginer de grandes migrations, hein, mais ça peut être tout simplement l'extinction locale de certains groupes et puis leur survie dans d'autres régions. Si on zoome un petit peu sur une région que nous connaissons bien, qui est la France, eh bien, voilà à quoi ressemble la France pendant le dernier maximum glaciaire. Cette carte vous montre différentes formes de permafrost, de paysages de permafrost et comment ils sont répartis dans notre pays. Donc on a des zones où ce permafrost est seulement saisonnier, essentiellement dans l'ouest de la France, près de l'Atlantique. Et puis dès qu'on pénètre à l'intérieur du pays, dans des zones plus continentales, là on a un permafrost qui est continu, voire même qui est profond. Vous voyez que ça concerne une grande partie du pays. Alors on a des distributions de gisements, on a une petite idée de où se trouvent les hommes à différentes époques, et je voulais vous montrer cette carte qui est une carte qui n'est pas vraiment une carte de distribution de sites, qui est une carte de modélisation où ces chercheurs ont utilisé les caractéristiques éco-géographiques d'un certain nombre de sites connus à l'époque de ce maximum d'expansion des glaciers pour, dans le fond, déterminer quelles sont les conditions écologiques des hommes de cette époque-là et, dans le fond, quelles sont les zones habitables par eux en Europe. Eh bien, en gros, c'est essentiellement le sud de l'Europe qui est favorable aux occupations humaines, avec un phénomène de séparation, en gros, d'une partie sud-ouest de l'Europe, d'une partie qui est représentée par la péninsule italienne et puis les Balkans et l'est de l'Europe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a absolument personne là, mais en tout cas, il y a probablement peu de monde, ou en tout cas, des gens qui sont là peut-être seulement pour des épisodes assez brefs. Et donc, cette séparation, cette coupure de l'Europe en deux, pendant une période de temps qui n'est pas très longue, va avoir des effets quand même sur l'évolution des populations et sur l'évolution culturelle. Alors, sur l'évolution des populations, c'est bien évident qu'il y a probablement une réduction de la taille des populations. Sur le plan culturel, eh bien, ce qu'on a, c'est une séquence de technocomplexes dans le paléolithique supérieur qui sont des technocomplexes qui, au début, sont identiques un petit peu partout en Europe. Donc, on commence avec le paléolithique supérieur vrai, si je peux dire, l'aurignacien. On a déjà parlé du proto-aurignacien, de l'aurignacien ancien et de l'aurignacien lors de notre dernière rencontre. À cet aurignacien succède un technocomplexe qu'on appelle le gravétien. Mais quand on arrive proche du maxima glaciaire, il se déroule une histoire différente à l'ouest et à l'est, avec l'apparition dans l'ouest de l'Europe d'une culture qu'on appelle le solutréen. Là, ici, j'ai mis sur cette diapositive quelques pointes solutréennes tout à fait caractéristiques avec leurs retouches bifaciales, qui sont des objets très très spectaculaires. Mais ce solutréen, dans le fond, c'est une histoire essentiellement française, espagnole. Quand on va en Italie, quand on va dans d'autres régions d'Europe, eh bien, on trouve des industries qui sont très différentes, qu'on appelle les industries épigravétiennes. Et puis, à la suite du solutréen, là, le climat va graduellement s'améliorer. On a dans l'ouest de l'Europe une industrie qu'on appelle le magdalénien. Et puis tout ça se termine avec ce qu'on appelle l'épipaléolithique, qui est vraiment la fin des temps glaciaires et la fin du paléolithique. Tous ces technocomplexes, ils ont été définis pour certains il y a très très longtemps. L'aurignacien, on en parlait déjà au 19e siècle, enfin à la fin du 19e siècle. Donc en gros, ces chronologies sont des chronologies d'industrie lithique, de technocomplexes, qui ont été d'abord élaborés par Gabriel de Mortillet, par Henri Breuil, et puis qui ont été peaufinés au cours du temps. Mais en gros, ce cadre culturel, on le connaît depuis assez longtemps. Ces technocomplexes, ils sont essentiellement définis au départ sur des caractères qui sont les caractères des industries lithiques. Au XIXe siècle, même longtemps pendant le XXe, dans le fond, on a utilisé ce qu'on appelait des fossiles directeurs, c'est-à-dire des objets typiques de chaque époque, comme par exemple les feuilles de laurier pour le solutréen, ou la pointe de la gravette pour le gravétien, etc., etc. Alors bon, les définitions de ces technocomplexes sont un petit peu plus élaborées aujourd'hui. Quand même, longtemps, on a gardé l'idée que ces technocomplexes représentaient des populations, des espèces d'entités ethno-linguistiques qui s'étaient succédées les unes aux autres, qui s'étaient parfois remplacées. Pourquoi ? Bien parce que souvent, ces technocomplexes sont relativement bien définis à la fois dans le temps et dans l'espace. Donc, on peut tracer des espèces de frontières de ce qui a l'air d'être des groupes humains. Vous verrez que c'est une notion qui a été quand même relativement remise en cause. D'abord parce que sur le plan de la définition de ces technocomplexes, encore une fois, qui a été fondée au départ essentiellement sur de l'industrie lithique, un petit peu sur de l'industrie osseuse, mais on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres aspects culturels, parfois, qui ne collaient pas très très bien avec ces découpages. Par exemple, si on regarde non pas les productions matériels, d'outils et d'armes, mais si on regarde la production d'œuvres d'art, eh bien, les choses sont beaucoup moins claires. On a une espèce d'ensemble aurignaco-gravessien, et puis après, on a un ensemble qui est plutôt solutréen-magdalénien. Donc, les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, quand on va regarder les hommes, et surtout quand on va regarder les données génétiques que l'on a maintenant sur les groupes qui ont fabriqué aurignacien, gravessien, magdalénien, etc., vous allez voir que, en fait, en tout cas à l'échelle de l'Europe, à partir d'un certain moment, on a une espèce de continuité d'un certain nombre de groupes. Donc c'est probablement les mêmes populations qui sont passées à travers des espèces de modes différents en termes de production lithique. Je ne vais pas vous faire un cours sur la technologie lithique du paléolithique supérieur, mais vous vous souvenez que quand on a parlé du paléolithique supérieur initial, je vous ai expliqué que dans le fond, une des caractéristiques du paléolithique supérieur, c'était la production de lames à partir de nucléus qui avait une forme bien particulière. C'est une production, une gestion volumétrique des nucléus. Et tout au long du paléolithique supérieur, on va trouver des variations de ces techniques pour la production de lames qui sont utilisées soit telles quelles, soit qui sont retouchées pour fabriquer des outils comme des grattoirs, des burins, toutes sortes de choses. Parfois, elles sont tronçonnées pour être utilisées par segments et... Parallèlement à cette production de lames, on a aussi une production de lamelles. Et ces lamelles, on en a parlé en particulier à propos du proto-orignacien. Je vous ai expliqué que ces lamelles, elles étaient importantes pour la production d'armatures, de projectiles, probablement assez compliquées, composites, avec mélangeant le bois, peut-être des matières dures animales. Ces lamelles armées à la pointe de ces projectiles, parfois sur le bord, sur le tranchant. Ces lamelles, elles sont fabriquées à partir de petits nucléus qui ressemblent parfois à des gros grattoirs. D'ailleurs, on parle pour l'orignacien, par exemple, on parle de grattoirs carénés. Ces gros grattoirs, en fait, ne sont pas vraiment des grattoirs, sont des blocs de matières premières à partir desquels on a fabriqué ces petits objets. Alors, ces deux lignes de production de support pour fabriquer des outils, on les trouve dès le début du paléolithique supérieur dans l'orignacien. On a parlé un petit peu aussi à propos du châtelperronien. Dans le châtelperronien, on a aussi de la production de lames et de la production de lamelles, même si on pense que le châtelperronien a été plutôt fabriqué par les derniers néandertaliens. Donc on a ça dès l'orignacien ancien, et puis ça va se perpétuer dans le paléolithique supérieur avec des modalités différentes dans toutes ces technocomplexes. L'autre chose qui est tout à fait remarquable du point de vue technique et comportemental dans le paléolithique supérieur, c'est l'utilisation des matières dures animales, os, ivoire et bois de cervidés, essentiellement du bois de renne, pour fabriquer toute une variété d'objets et en particulier, encore une fois, des armatures de projectiles. Donc, dès l'orignacien, on a ces pointes de sagaie à base fendue qui sont utilisées probablement avec des instruments pour les propulser avec plus de puissance et plus de précision. Et puis, ces sagaies, on va en trouver tout au long du paléolithique supérieur. À la fin du paléolithique supérieur, on trouve à côté des sagaies, on trouve aussi des harpons à un rang de barbelure, à deux rangs de barbelure. Donc, il y a toute une littérature sur l'évolution de cette variété d'armes. Ces propulseurs qui ont fait l'objet de production enfin, ce qu'on peut vraiment considérer comme des œuvres d'art, hein. Certains de ces propulseurs magdaléniens sont des objets absolument extraordinaire, parce que le crochet est en fait une sculpture qui représente souvent des animaux. Alors ces propulseurs très, très bien représentés dans le magdalénien, ils ont été probablement précédés par des choses plus simples, et peut-être qu'ils remontent même au-delà du paléolithique supérieur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut aussi utiliser comme instrument de propulsion, non pas un propulseur rigide, mais on peut aussi utiliser un propulseur qui est fait d'une lanière ou de quelque chose en textile et qui malheureusement ne laissera pas de traces dans le registre archéologique. Les productions d'objets en matière dure animale, encore une fois, on pourrait passer une heure de cours à détailler ces techniques. Il y a des objets absolument extraordinaires. Enfin, en tout cas, à moi, ils me paraissent extraordinaires. Je ne sais pas si à vous, ils vous paraissent extraordinaires. J'aime particulièrement cet objet qui a été décrit dans l'Aurignacien ancien du Jura Souabe. Et c'est un objet qui est un objet donc en os avec trois perforations agrémentées, si je peux dire, de rainures en forme spirale. Hein. Eh bien, cet objet, c'est un objet qui sert à fabriquer des cordes. Hein. Et donc, en faisant passer des fibres végétales ou des lanières de n'importe quoi, eh bien, elles vont tourner, elles vont se vriller sur elles-mêmes et on va arriver à produire des cordes d'une longueur aussi longue que l'on veut. Et ça, c'est juste un exemple que je voulais vous montrer, mais on trouve toute une variété de techniques de ce genre-là dont on n'a absolument aucun équivalent dans les périodes qui ont précédé. On est à 40 000, je vous rappelle qu'à 42 000 ou 43 000, dans nos régions, il y a des Néandertaliens, et enfin, à ma connaissance, on n'a jamais trouvé quelque chose qui ressemble, même de très loin, à cela chez nos Néandertaliens. Et puis, ces matières dures animales, alors elles servent aussi à fabriquer toute une variété d'objets de parure, d'objets d'art mobilier. Vous imaginez bien que derrière ces objets, il y a toute une corpus de croyances, mythologie, évidemment, dont il ne nous reste rien aujourd'hui. Autre aussi type d'objet absolument extraordinaire, des instruments de musique pour la première fois. Alors on a parfois cru reconnaître dans le Moustérien des instruments de musique, des flûtes fabriquées en os. Bon, ces flûtes moustériennes, en fait, ce sont des os qui ont été mâchés par des carnivores, par des hyènes en particulier, et ces os, ils ont deux perforations qui correspondent à l'écartement des canines, des hyènes, et n'ont rien d'instrument de musique. Et c'est pas parce qu'on peut faire du bruit avec que ça devient des instruments de musique. On peut jouer, il y a des gens qui sont très forts pour jouer de la musique avec des verres à moutarde. C'est pas pour ça que les verres à moutarde sont des instruments de musique. Donc là, on a absolument quelque chose de différent. Ce sont des flûtes qui sont très très élaborées, qui sont fabriquées en os d'oiseau, qui sont fabriquées parfois en ivoire. Enfin, celles qui sont en ivoire sont composites. Il y a plusieurs parties pour fabriquer la flûte. Bon, ces objets nous évoquent un monde d'une complexité absolument sans comparaison avec ce qui a précédé quelques millénaires auparavant. Et puis, évidemment, vous avez tous entendu parler de ça, il y a un art rupestre qui est extrêmement riche en Eurasie et qui, lui aussi, semble commencer très tôt. Alors, avec l'art paléolithique, il y a un problème de conservation. On n'est pas sûr, on est même sûr de ne pas avoir les premières formes d'art rupestre parce que la conservation des œuvres rupestres elle n'est pas automatique et donc il y a probablement de nombreux sites, surtout ceux qui étaient près de la, si je peux dire, de l'extérieur, près de la qui étaient exposés aux agents naturels qui ont disparu. Mais on a dès l'Aurignacien des œuvres rupestres, en particulier bon celles qui ont été découvertes à la grotte de Chauvet-Pont-d'Arc ou celles de la grotte d'Arcy-sur-Cure, qui sont parmi les plus anciennes manifestations d'art rupestre, avec une complexité de technique et de style qui implique une longue histoire, une longue évolution, avant la production de ces œuvres. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'aspect, c'est très très bref, mais je pense qu'il fallait que ce soit dit, sur les comportements de ces hommes. Et on va regarder maintenant d'un peu plus près les hommes eux-mêmes et les populations et les restes qu'elles ont laissées derrière elles. Alors il y a un problème que je veux aborder, enfin c'est une sorte de parenthèse dans le cours, mais je pense que c'est le bon moment pour l'aborder, c'est la question de la datation au radiocarbone, au carbone 14. Alors pourquoi j'en parle maintenant ? Eh bien parce que tous ces restes humains dont on va parler, eh bien, appartiennent à une période de temps qui est, si je peux dire, la période de prédilection pour l'application de la méthode du carbone 14, qui en gros s'applique depuis le présent jusque aux environs de 45 000, 50 000 quand on a vraiment de la chance. Donc c'est vraiment la méthode qui est, je ne dis pas uniquement, mais qui est très préférentiellement utilisée pour le paléolithique supérieur. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le carbone 14, hein, mais le principe de la datation carbone 14 est un principe qui est assez simple. Donc il y a, dans la haute atmosphère, une transformation d'atomes d'azote en carbone, qu'on appelle le carbone 14. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sont des radiations cosmiques qui bombardent avec des neutrons ces atomes d'azote. Ces atomes d'azote, ils perdent un proton, ils gagnent un neutron, et ils se transforment en un isotope du carbone qu'on appelle le carbone 14, qui possède donc 6 protons et 8 neutrons dans son noyau, et qui est instable, qui est radioactif. Alors, ce carbone 14, il est très très rare dans l'atmosphère. Hein. On parle d'un atome de carbone 14 pour 1000 milliards d'atomes normaux de carbone. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant quand même pour rendre votre corps radioactif, parce que vous respirez l'atmosphère, et dans l'atmosphère il y a du gaz carbonique, et dans ce gaz carbonique il y a un petit peu de carbone 14. Donc tous les êtres vivants fixent du carbone 14 tout au long de leur vie, et ils ont donc une composition interne, si je peux dire, de carbone qui correspond à la composition de l'atmosphère qui les entoure. Et cela, ça s'arrête quand ils meurent. Et quand ils meurent, eh bien, ils arrêtent de respirer, ils arrêtent d'absorber du carbone 14. Et donc, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que le carbone 14 qui est contenu dans leur tissu, eh bien, il va se désintégrer puisqu'il est radioactif, et sa quantité va diminuer au cours du temps. Tous les 5730 ans, la moitié du carbone 14 disparaît. Donc, la quantité de carbone 14 se réduit de façon très, très rapide. Vous voyez que au bout d'un moment, il en reste très très peu. C'est pour ça qu'on ne peut pas remonter aussi loin que l'on voudrait avec cette datation carbone 14. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant ? Eh bien, parce que je vous l'ai dit, un grand nombre de sites et de restes humains, d'objets de ce paléolithique supérieur sont datés directement avec le carbone 14. Et donc, vous avez dans la littérature une abondance de dates. Je voudrais bien préciser quelque chose qui est très importante. Les âges carbone 14 que vous trouvez dans la littérature ne sont pas des âges réels. Ce sont des âges carbone 14. Pourquoi ? Eh bien, parce que la quantité de carbone 14 qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère, ou qui a été dans l'atmosphère, disons, dans les périodes historiques, eh bien, ça n'est pas la quantité de carbone 14 qu'il y a eu toujours dans le passé, dans l'atmosphère. Et donc, on ne peut pas utiliser une relation aussi simple que celle-là pour établir le temps écoulé à partir de la concentration de carbone 14. Alors, il y a un cas, il y a une situation très particulière depuis les années 1950, parce qu'on a fait énormément d'expérimentations atomique, atmosphérique. Donc, on ne parle pas de la concentration de carbone 14 depuis 1950. Mais si on remonte avant 1950, eh bien, il y a une légère différence à différentes périodes du passé entre l'âge carbone 14 et puis l'âge réel qu'on appelle l'âge calendaire. Et cela, on s'en est aperçu assez vite. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour des périodes récentes de la préhistoire, on avait d'autres moyens que le carbone 14 pour établir un âge calendaire. En particulier, pour le néolithique, on pouvait utiliser une méthode qui est la dendrochronologie, qui est une méthode qui est fondée sur le comptage de stries d'accroissement dans les bois. Et On peut connecter la chronologie d'un morceau de bois à un autre et remonter comme ça dans le passé très très loin. Et en faisant ça et en datant ces bois au carbone 14, on s'est rendu compte que les dates ne collaient pas. Et donc il fallait construire ce qu'on appelle une courbe de calibration qui donne la correspondance entre un âge carbone 14 et l'âge réel. Alors pendant très longtemps, malheureusement, cette courbe de calibration, elle ne remontait pas aussi loin que la possibilité d'utiliser le carbone 14, le radiocarbone, pour dater des sites. Et donc, disons que jusqu'il y a pas très longtemps, quelques années seulement, eh bien tous les âges, disons, au-delà de 25 000 ans que vous trouviez dans la littérature, c'était des âges carbone 14. Et depuis quelques années, on a pu prolonger cette courbe de calibration jusqu'à 50 000 ans. Et on commence à trouver dans la littérature des âges carbone 14 et des âges qui sont en fait des âges calibrés, des âges calendaires, des vrais âges. Et j'attire votre attention sur ce fait parce que quand vous lisez un article où il est dit tel objet a 26 000 ans, 28 000 ans, 35 000 ans, regardez bien ce qu'il y a écrit derrière. Parce que s'il y a écrit BP, ça veut dire before present, ça veut dire en fait avant 1950. Et si vous voyez cal BP, ça veut dire calibré. Et la différence peut être très importante. Par exemple, un âge carbone 14 de 35 000 ans correspond à un âge calibré d'à peu près 40 000. Donc ça fait une différence assez importante. Et plus on remonte dans le temps, et plus cette différence est importante. Un autre aspect des datations carbone 14, c'est le fait que plus on remonte dans le temps, et plus la méthode devient sensible à toute forme de contamination des échantillons par du carbone moderne. Et ça, ça implique un traitement chimique, qu'on appelle un pré-traitement, très très soigné des échantillons, qui peuvent être des échantillons de charbon ou des échantillons d'os. Je vous ai parlé de datation directe d'objets. Ces datations directes, elles sont devenues possibles essentiellement avec le développement de la spectrométrie de masse par accélération, qui permet vraiment de compter les atomes et d'avoir une assez grande précision dans l'établissement d'un âge radiocarbone, même avec des échantillons très petits. Alors quand on dit très petit, en fait ça veut dire assez petit, ça veut pas dire très très petit. Et s'il est possible de dater des objets assez gros directement, des tout petits objets, par exemple des objets de parure ou des objets d'art, eh bien on ne les date pas directement parce qu'il faudra en enlever un morceau assez conséquent. Alors on travaille constamment à perfectionner ces méthodes et enfin en particulier dans mon laboratoire en ce moment on travaille sur une technique qui permettrait de réduire énormément la taille des échantillons, mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Collège de France et France Culture vous présentent le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, son cours « Homo sapiens, l'espèce orpheline », aujourd'hui « Les peuplements modernes de l'Europe ». Alors, quel a été l'effet de ces développements techniques sur l'étude des hommes du Paléolithique supérieur ? Eh bien, on a pu dater directement des restes humains parfois qui avait été découvert il y a très longtemps, qui avait été découvert au siècle dernier ou au début du XXe siècle. Et l'effet de ces datations directes, si je peux dire, a été assez dramatique en fait, assez catastrophique, parce que dans le fond, on s'est rendu compte que tout un tas de fossiles que l'on considérait depuis très longtemps comme des fossiles du Paléolithique supérieur ou du début du Paléolithique supérieur ou du début de l'Aurignacien ou Dieu sait quoi, eh bien en fait, ne l'étaient pas du tout. Et on s'est rendu compte comme ça que beaucoup de fossiles humains qui avaient été attribués au paléolithique supérieur étaient en fait des restes humains qui étaient intrusifs dans les niveaux, soit parce que des hommes au néolithique, au mésolithique, avaient été faire une sépulture dans un gisement archéologique, ou parce que les techniques de fouille, à une certaine époque, étaient un peu trop rapides pour détecter ces intrusions. Et donc, je vous ai listé ici quelques exemples, mais il y en a bien plus que ça. Hein. Donc, des fossiles qui, quand j'étais étudiant, ça remonte pas à la nuit des temps, hein, étaient considérés comme des fossiles aurignaciens, eh bien, on sait maintenant qu'ils sont néolithiques. Hein. Donc, c'est vrai pour, en particulier, ce fossile de Stetten, en Allemagne, qui est très, très longtemps passé pour un aurignacien. Et puis, vous voyez, je vous en ai listé quelques autres, là. Combe-Capelle, c'était un fossile qu'on croyait être châtelperronien, et qui, en fait, est mésolithique, et il y en a toute une série d'autres. Alors, parfois, encore une fois, ça aboutit à des remises en cause assez dramatique, hein. Je vous montre un exemple très récent. Il s'agit d'une mandibule découverte dans le nord de l'Italie, en Vénétie, qui a été présentée dans la littérature comme une mandibule d'hybride de néandertalien et d'homme moderne. Vous voyez, c'était très vieux. Hein. En redatant ce matériel, on s'est rendu compte qu'il avait un âge autour de 6300 ou 6400 ans. Donc on est très très loin de l'hybridation avec les derniers néandertaliens. Dans d'autres circonstances, les changements d'âge n'ont pas été très spectaculaires, mais ils sont quand même importants. Et je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer quand même l'homme de Cro-Magnon. Donc cet homme de Cro-Magnon, en fait, il y en a plusieurs. Ça, c'est Cro-Magnon 1. Mais Cro-Magnon, c'est un site qui se trouve près des Aisy, dans le sud-ouest de la France. Et on a découvert en 1868 une série de restes humains donc qui ont donné leur nom à cette forme, homme de Cro-Magnon, que l'on a longtemps présenté comme aurignacien. Donc l'idée, c'était que l'homme de Cro-Magnon, eh bien, c'était l'homme qui était venu remplacer l'homme de Néandertal. Alors, là encore, on a pu dater non pas directement les ossements, mais on a daté des littorines, des petits coquillages qui étaient des objets de parure dans la sépulture de Cro-Magnon. Et on sait maintenant que Cro-Magnon est paléolithique supérieur, mais qu'il est certainement beaucoup plus récent que l'aurignacien et plus probablement gravétien. Alors, faisons maintenant un tour un petit peu de ces restes humains. Je ne vous les montrerai pas tous, mais je veux surtout insister sur les formes les plus anciennes. Donc avant l'aurignacien, vous vous souvenez qu'on a au Proche-Orient et puis en Europe centrale, on a des assemblages que l'on considère comme du paléolithique supérieur initial, quelque chose qui serait une sorte de première vague d'hommes modernes dans nos régions. Alors on a quelques restes humains à Ksarakil au Liban et puis à Uçhisli en Turquie, à la frontière syrienne. Dans les deux cas, c'est très, très fragmentaire. Je suis pas très sûr qu'on puisse dire vraiment quelque chose des restes de Ksarakil. Sur Uçhisli, j'ai vu ses dents. Pour moi, elles sont modernes, hein, ces hommes modernes. Quand on vient en Europe de l'Est et en Europe centrale, alors il y a un site en Bulgarie qui s'appelle Bachokiro, où on avait trouvé quelques restes humains associés à un paléolithique supérieur initial qu'on appelle le Bachokirien. Ce sont des restes, malheureusement, qui ont été perdus depuis leur découverte. Ça arrive de temps en temps. Et puis ensuite, on a cet assemblage dont on a parlé plusieurs fois déjà, le Bohunicien, en Moravie, par là. Et ce Bohunicien, alors lui, malheureusement, il se présente dans des sites qui sont généralement des sites, des dépôts de l'os, qui ne conservent pas l'os. Et donc, on n'a pas de fossiles bohuniciens. Alors, en fait, le seul fossile relativement complet et bien étudié qu'on peut peut-être associer à ce paléolithique supérieur initial, eh bien, c'est ce fémur d'Oustichim, en Sibérie occidentale. Alors, pourquoi je dis peut-être ? Parce qu'il est quand même très, très loin de l'Europe, même si c'est l'ouest de l'Eurasie ou le centre de l'Eurasie. Et puis surtout, il a été trouvé hors contexte archéologique. Hein, on l'a ramassé au bord d'une rivière. Mais il est directement daté à 45 000 ans. Donc au point de vue âge, il est dans la bonne fenêtre de temps pour ce paléolithique supérieur initial. Et c'est pour cette partie de l'Eurasie le fossile le plus ancien que l'on connaisse et qui est morphologiquement moderne et génétiquement moderne. On a un génome très complet, très bien étudié de ce fossile de Oust-Ishim en Sibérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en utilisant une méthode statistique qu'on appelle les statistiques D, eh bien, on peut mesurer la proximité de ce fossile d'Oust-Ishim avec des populations actuelles. Et en particulier, on a regardé s'il était plus apparenté aux Européens actuels ou aux Asiatiques actuels. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail de cette étude, mais on s'est vite rendu compte que la comparaison avec des populations actuelles était un peu trompeuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis le néolithique, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de populations qui sont déplacées d'un coin à l'autre de l'Eurasie. En particulier en Europe, on sait qu'il y a des populations qui n'ont rien à voir avec les populations modernes, originales de l'Europe, qui sont venues en Europe au moment du néolithique. Et plutôt que de comparer Oust-Ishim avec des populations actuelles, on peut le comparer avec des populations d'hommes modernes, anciennes, mésolithiques ou du paléolithique supérieur. Et si on compare Oust-Ishim à un mésolithique de l'ouest de l'Europe et puis un homme du paléolithique supérieur moderne de Sibérie, eh bien, on voit que cet Oust-Ishim, il tombe exactement sur cette ligne qui représente le zéro, c'est-à-dire qu'il est aussi éloigné de l'un que de l'autre. Et l'interprétation que l'on fait généralement de cette situation, eh bien, c'est qu'on a une forme, en fait, qui précède la divergence entre asiatiques et européens des périodes récentes du Pléistocène ou de l'Holocène, et même qui, possiblement, n'a en fait aucune relation de descendance avec des populations actuelles. Donc c'est une première vague qui peut-être s'est éteinte, qui a été remplacée par d'autres vagues de peuplement. On a quelques restes très fragmentaires dans le proto-rhiniacien, des dents qui ont été découvertes dans le nord de l'Italie et qui sont modernes. On a publié ça il n'y a pas très longtemps. Il y a un fossile que je voudrais mentionner quand même, même s'il est découvert hors contexte stratigraphique lui aussi, comme Oust-Ishim, sont les fossiles de Pestera cu Oase en Roumanie, dont je vous ai aussi déjà parlé. Deux pièces, un crâne et une mandibule. C'est la mandibule qui est la mieux datée. Hein, on a une date qui est autour de 40 000 calibrés. Hein, donc on parle de date calibrée. Et ces fossiles, eh bien, dans le fond, chronologiquement, ils pourraient appartenir à cette vague proto-aurignacienne ou quelque chose comme ça, peut-être un aurignacien très ancien. Je vous rappelle que Pestera cu Oase, c'est un individu qui est seulement quelques générations avec un épisode d'hybridation avec des néandertaliens. Vous voyez qu'il a une quantité d'ADN néandertalien très au-dessus de ce qu'on a chez d'autres hommes du paléolithique supérieur d'Europe. Alors on a, au moment de sa découverte, c'est bien avant qu'on en fasse l'étude paléogénétique, on a beaucoup discuté sur les caractères de ce fossile, puisqu'on a pensé qu'il pouvait avoir des caractères d'hybride, hein, en particulier, vous voyez, il a un frontal un petit peu aplati, fuyant, donc on a dit, voilà, c'est un caractère néandertalien. Sur la mandibule aussi, on a reconnu des caractères dentaires et des caractères morphologiques que mon collègue Eric Trinkaus a identifié comme probablement d'origine néandertalienne. C'est un peu, j'allais dire, compliqué d'utiliser la morphologie pour reconnaître ce caractère d'hybride. Pourquoi ? Ben d'abord parce qu'on ne sait pas trop combien d'ADN néandertalien il faut pour que ça se voit vraiment sur le crâne, les dents, la mandibule. Pas vraiment de point de référence. Je vous ai mis là une photo d'un crâne qui vient d'Égypte, qui date de 38 000 ans et qui est un des premiers hommes modernes qu'on a dans cette région-là. Et il a en fait, assez curieusement, en particulier dans la région frontale, des caractères qui ressemblent à l'homme d'Oasé, Coupestera. Et donc la question avec ces hommes modernes anciens, c'est toujours quand on trouve un caractère un petit peu bizarre, est-ce que c'est un héritage néandertalien ou c'est pas simplement parce qu'ils sont très vieux et qu'ils sont différents de nous, hein? Alors je veux pas me montrer malicieux trop, mais je vous ai mis aussi une photo de Stetten. Vous savez, Stetten, c'est ce fameux crâne qu'on croyait être aurignacien. Et alors, pendant très longtemps, on a discuté sur Stetten d'un caractère qui est la forme du foramen mandibulaire à l'intérieur de la mandibule, qui est une forme ovale et orientée horizontalement. Et ça, c'est un caractère qui a une fréquence assez élevée chez les Néandertaliens. On le trouve, par exemple, sur l'homme Lachapalossin. Alors, c'est un peu malencontreux que maintenant, ce fossile, on soit rendu compte qu'il est néolithique, parce qu'évidemment, ça enlève un petit peu de valeur à ce caractère, puisqu'on voulait en faire aussi, lui, un hybride, à cause de ce caractère. Soit en passant, la mandibule d'Oasé a aussi ce caractère-là, et on a aussi dit à propos d'Oasé que c'était un caractère néandertalien, donc je vous laisse juste la valeur de cet argument. Alors, pour Oasé, même histoire que pour Oustichim. Hein. Quand on compare avec des populations actuelles, alors il a l'air d'être plutôt asiatique, ce qui est quand même un petit peu bizarre pour un fossile trouvé en Roumanie, mais quand on se met à le comparer avec des formes plus anciennes et qu'on essaie de voir comment il se situe entre des Asiatiques et puis justement Oustichim ou des hommes du Paléolithique supérieur d'Europe ou du Mésolithique, vous voyez qu'il tombe lui aussi un peu entre les deux, enfin pas un peu, il tombe complètement entre les deux. Et dans le fond, on pense aussi que ce fossile de Pestera Coasé, eh bien, il a probablement pas beaucoup de descendants dans les populations européennes actuelles. Alors avançons encore dans le temps avec l'Aurignacien lui-même. Donc dans l'Aurignacien, là on commence à avoir des restes humains beaucoup plus abondants. Alors on n'en a pas beaucoup dans le tout début de l'Aurignacien, mais en Europe occidentale, on en a dans plusieurs sites français. Je vous en ai mis ici quatre qui sont assez connus. Ce sont des restes qui sont des restes fragmentaires, mais qui sont des restes indubitablement moderne. Vous voyez, par exemple, cette mandibule de Kina Aval, eh ben, elle a un joli petit menton osseux qu'on s'attend à trouver sur un homme moderne. On en a aussi en Allemagne, ces gisements du Jura Souabe, où on a de l'aurignacien, on a aussi quelques restes humains. Alors, ce qui est intéressant avec ces restes humains aurignaciens, c'est que on n'a pas de sépulture avec un corps qui a été enterré, qui est complet, qui est en connexion, etc. On trouve des restes humains qui sont des restes fragmentaires, qui sont des restes qui ont été parfois découpés intentionnellement. On a plusieurs exemples où on a des traces de découpe sur ces os qui ont été faites sur de l'os frais. À Brassampouille, à la grotte de Combes aussi, on a des dents humaines qui ont été percées, qui ont été portées en pendeloque. Donc on a un intérêt pour les restes humains, si je peux dire, mais qui ne se manifeste pas de la façon, classique de l'inhumation d'un corps complet. Donc très probablement, ces aurignaciens, ils ont des rites funéraires un petit peu compliqués. Et on rapproche ça aussi de cette situation de Pestera Coasé. Je vous rappelle que Pestera Coasé, la mandibule et le crâne que je vous ai montré, eh bien, sont des fossiles qui ont été trouvés au fond d'une grotte, qui ont été apportés là par les hommes, qui ont été laissés dans cette grotte, mais qui ont été déposés en quelque sorte. On a peut-être une situation un peu du même genre avec d'autres fossiles aurignaciens, alors là, au centre de l'Europe, qui viennent d'un gisement qui s'appelle Mladej, en Moravie. Et là, c'est pareil, on a une quantité assez importante de restes humains. En général, dans l'aurignacien, on a une surreprésentation des crânes et des mandibules hein, par rapport au reste. C'est peut-être pas insignifiant. Donc, ces restes de Mladej, ils ont été découverts dans un karst associé à des pointes aurignaciennes. On les a datées directement, donc là on est vers 36 000 à peu près en calibré. Là encore, on ne sait pas très bien quelle est l'histoire de ces crânes et comment ils sont arrivés là. Mon collègue Jiří Svoboda, qui m'a un jour fait visiter le gisement de Mladech, eh bien, je crois que son idée, c'est que ces crânes, en fait, ils étaient déposés, ils étaient en quelque sorte exhibés quelque part, et ils sont tombés dans ce karst, peut-être avec ces pointes. Donc des comportements assez particuliers. En fait, dans l'Aurignacien, quelque chose qui ressemble à l'Aurignacien, le seul squelette qu'on ait et qui est certainement inhumé, eh bien, c'est cet homme de Kostenki. Mais alors là, on est dans le sud de la Russie, hein, on est très très loin de l'Europe occidentale. Et donc, on a un individu qui est daté autour de 37 000 et qui a été inhumé en position fléchie et qui est assez complet. On a fait pas mal d'études sur ce spécimen. Donc, les collègues russes ont beaucoup étudié son anatomie, ont fait des reconstitutions. On a fait des datations directes en utilisant des méthodes assez sophistiquées qui ont permis d'obtenir cet âge. Et on a aussi fait de l'analyse génétique. Et cette année, donc récemment, il y a eu une étude qui a été publiée, qui est une synthèse de toutes les informations génétiques qu'on a sur tous ces hommes du paléolithique supérieur, en tout cas ceux pour lesquels on a pu extraire de l'ADN. Et ce qui est intéressant dans cette étude, eh bien, c'est que vous avez ici Oustichim, donc là c'est une arborescence, hein, qui vous montre un petit peu comment tous ces hommes s'apparient les uns aux autres. Donc plus ils sont situés vers le bas, plus ils sont récents, plus ils sont situés vers le haut, plus ils sont anciens. Et donc vous voyez qu'il y a, bon ça c'est une branche africaine, hein, qui est un extra-groupe. Donc ce groupe eurasien, eh bien vous avez Oustichim qui est complètement à part et qui est sans relation avec toutes ces populations-là qui sont des populations européennes. Donc ça confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est vrai pour Oustichim, c'est vrai aussi pour Pestera Kouazé. Avec Kostenki 14, c'est plus vrai. C'est-à-dire que Kostenki 14 appartient à un cluster, à un groupe humain qui appartient à cette espèce de faisceau de lignée qui est le peuplement européen. Et disons entre 37 000 et 14 000, c'est-à-dire disons quelque part dans l'Aurignacien relativement ancien et puis l'après-dernier grande glaciation, eh bien on a tout un tas de groupes humains en Europe qui sont liés les uns aux autres. Et d'ailleurs, on a des choses très intéressantes. On a des groupes qui sont connus avant le dernier maximum glaciaire, qui sont connus dans le nord de l'Europe, comme Goya ici, et qu'on va retrouver au moment du maxima glaciaire dans le sud de l'Europe et qui vont ensuite participer au repeuplement, si je peux dire, de l'Europe post-dernier maximum glaciaire. L'autre résultat qu'a apporté cette étude, eh bien, c'est le fait que, à partir de cette date de 14 000, eh bien, ce qu'on voit, c'est que toutes ces lignées-là, elles commencent à se mélanger avec des populations qui n'ont pas de connexion directe avec elles, mais qui viennent du Proche-Orient. Et donc, à partir de la fin de la dernière glaciation, on a cette arrivée de populations qui viennent du Proche-Orient en Europe et qui se mélangent à ces groupes européens. Donc vous voyez encore que ce maximum glaciaire, il a quand même une grande importance pour les populations européennes, même s'il n'entraîne pas une extinction et un repeuplement de l'Europe. En fait, ce que ça entraîne surtout, c'est une réduction, puis un repeuplement, mais à partir de l'Europe, et c'est seulement après le maximum glaciaire qu'on a ces influx de populations qui viennent de l'Est. Alors, au néolithique, et plus tard, l'âge du bronze, etc., ça va se compliquer encore plus, mais ça sort un peu de mon sujet. Et puis, dernier caractère que je voulais évoquer, qui est assez intéressant, c'est la couleur de la peau. Alors, bon, les Européens actuels ont la peau claire, Et on connaît assez bien le déterminisme génétique de cette couleur de peau. Il y a essentiellement trois gènes qui sont impliqués là-dedans. Et maintenant qu'on est capable d'extraire de l'ADN fossile d'hommes du paléolithique supérieur ou d'hommes même du mésolithique, eh bien, on a été regarder ces trois gènes qui donnent la couleur de peau blanche des Européens actuels. Et ça a été une grande surprise, mais chez des hommes qui sont des hommes du mésolithique, c'est-à-dire du début de l'Holocène, c'est-à-dire d'après le maximum glaciaire, eh bien, on a pu, dans deux cas, étudier ces gènes, et sur un fossile qui est un fossile, enfin un homme qui date d'environ 7000 ans, qui est en Espagne, eh bien, on a trouvé que sur ces trois gènes, eh bien, il a la version, si je peux dire, européenne, l'allèle européen seulement sur un de ces trois gènes, et sur un autre spécimen, alors vous me direz c'est l'Espagne, c'est le sud, ils sont... Mais non, parce qu'on en a un autre qui est au Luxembourg, dans un gisement qui s'appelle Lochbourg, on l'a vu tout à l'heure sur un des arbres phylogénétiques, 8000 ans, et lui, il a sur les trois gènes en question, il n'a, pour aucun des trois gènes, il n'a l'allèle européen. Et donc la reconstruction qu'on fait de ces hommes du Mésolithique, de Lochbourg ou de Labrania, eh bien, c'est des gens qui ont encore une couleur assez foncée. On pense d'ailleurs qu'ils ont les yeux clairs. On n'est pas très sûr que c'est les yeux bleus, mais enfin, ils ont les yeux clairs déjà. Alors, ces découvertes, elles ont été très discutées parce que on avait daté en gros l'apparition de ces mutations qui donnent la peau blanche autour de 15 000 ans, quelque chose comme ça, vers l'extrême fin du Pléistocène. Et donc, ça montre simplement que même si ces mutations, elles sont relativement anciennes, elles sont restées confinées assez longtemps, probablement dans certaines régions, dans certains groupes, avant de se répandre dans toutes les populations européennes. Et donc, vous voyez que ce soit pour les proportions corporelles, ou que ce soit pour la couleur de la peau, ou que ce soit pour la couleur des yeux, etc., eh bien, il y a eu quand même une grande inertie de ces populations d'origine tropicale, d'origine africaine, qui sont venues vivre en Europe il y a 45, 50 000 ans, et qui ont mis quand même plusieurs dizaines de milliers d'années à devenir ce que les Européens actuels sont. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 novembre 2016 Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui les peuplements modernes de l'Europe. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de ces diffusions, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard sous le titre « Paléanthropologie du genre Homo ». Et avec Bernard Sêtre, je rappelle son ouvrage chez Flammarion, « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Jean-Jacques Hublin son cours sur Homo sapiens, l'espèce orpheline. Il s'interrogera sur le peuplement de l'Australie. Et dans quelques instants, nous retrouvons Les Petits Matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.